无数句夜藏到那风不断，去l'entre dans l'église des vivants cette fois。T'accueille dans la grande famille des disciples de Jésus-Christ, alors bienvenue, bienvenue. Petit ange, le Seigneur te tend les bras, ses bras qui te porteront vers de nouveaux horizons. Petit ange,chemin de la foi. Tu sais, la vie ne sera pas toujours facile, il y aura des moments difficiles, mais lui sera là toujours pour toi, ne l'oublie pas. Tous les chrétiens du monde entier essayeront de te guider, de t'éduquerAvec passion, ainsi tu apprendras à aimer Jésus-Christ et ton prochain de son amour. Tu seras le témoin. Petit ange, le Seigneur te tend les bras, ses bras qui te porteront.Il y aura des moments difficiles, mais lui sera là toujours pour toi, ne l'oublie pas. Le chanter et l'inculquer en tant que chrétien pour l'éternité. Petit ange, le Seigneur te tend les bras, ses bras qui te porteront vers de nouveaux horizons. Petit ange, écoute en toi la voix.Qui te guidera sur les chemins de la foi. Petit ange, le Seigneur te tend les bras, ses bras qui te porteront vers de nouveaux horizons. Petit ange, écoute en toi la voix.Les chemins de la foi.